الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء ووفقنا لهذا اللقاء لدراسة هذه الرسالة النفيسة التي ألفها وكتبها الإمام الحافظ عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. فنحمد الله جل وعلا ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، donc les frères, inshallah, on va commencer sur l'étude d'une œuvre qui fait partie du patrimoine de l'héritage qu'on a eu de nos grands savants, des grands imams de cette communauté. Et cette risala, cette œuvre, cet écrit qu'on va étudier, bihaulillahi jalla wa ala, avec l'aide d'Allah, c'est un écrit d'un grand savant, d'un illustre imam des siècles premiers, comme on verra. C'est un imam qui est né en 310 de l'Hégire et qui décédera en 386 de l'Hégire. Donc ce savant est décédé à l'âge de 76 ans. Et il se nomme Al-Imam Al-Hafidh, c'est l'érudit, le grand savant, Abdullah, il s'appelait Abdullah, Ibn Abdurrahman, son père s'appelait Abdurrahman, mais il avait comme surnom Abu Zayd. Pour cela, il a été surnommé Ibn Abi Zayd. Ibn Abi Zayd, du surnom de son père. Et son surnom à lui, sa kunya, c'était Abu Muhammad. Donc ce savant se nomme Abu Muhammad Abdullah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, de la région de Qayrawan. C'était au nord d'Afrique, et une région, une contrée connue hein, et célèbre, une cité, une ville célèbre qui s'appelle Al-Qayrawan. Al-Qayrawan, c'est et elle a été célèbre du fait qu'elle a ont vécu en cette terre de Qayrawan, dans cette cité, dans cette ville, dans cette contrée de Qayrawan, de grands savants et de grands érudits savants de l'islam. Et plus d'une manière plus précise, c'est en Tunisie actuelle. La terre de Qayrawan. Et à l'époque, dans les temps anciens, Qayrawan était connu, était célèbre du fait qu'il y avait de grands savants, justement, qui ont acquis en cet endroit. Taïb. Ce grand imam, Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, donc était, comme on a dit, un illustre savant, et c'était l'une des plus grandes autorités parmi les savants d'obédience malikite, parmi les spécialistes du madhab malikite, c'est-à-dire de l'école juridique malikite, Vous savez, cette école qui s'est propagée dans le monde musulman, ici, c'est une école qu'on appelle juridique, ici, liée à la jurisprudence. Et donc, al-madhhab, al-maliki, ce madhhab-là qui s'apparente et s'attribue au grand imam Malik ibn Anas, le grand savant de Médine, l'imam de la demeure de l'immigration, comme il est surnommé, imam al-imam Malik ibn Anas. L'un des quatre grands imams. Après lui, ensuite, ses élèves, ses compagnons, et les élèves justement de ses compagnons, de ses élèves, ensuite, ont propagé le ilm de cet imam, de l'imam Malik, ce grand imam qui était à Médine. Et ensuite, ce savoir et ce ilm, puisqu'il est l'une des plus grandes autorités, parmi les grands imams de notre communauté, il faisait partie des grands imams de notre communauté, l'imam Malik, l'un des plus fervents et l'un des plus savants de notre communauté. Et donc son savoir s'est propagé jusqu'à ce qu'il s'est propagé dans le monde musulman. Et plus précisément, ensuite, dans de nombreuses contrées, le madhhab, l'école juridique de l'imam Malik, va se propager ensuite avec la propagation des élèves, plus tard des partisans de cette école. Jusqu'à ce qu'ensuite, ça va se propager en Afrique, et plus précisément au nord de l'Afrique, dans le Maghreb actuel, et aussi en Andalousie. En Andalousie, à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans les pays du Maghreb, par exemple, et même des pays d'Afrique, leur jurisprudence, ici, est liée à la jurisprudence de l'école malikite. En général, les savants de ces contrées sont des savants d'obédience malikite. À savoir que lui-même, l'auteur de cette risala, de cette œuvre, de ce livre, que risala, elle s'appelle la lettre risala, d'Ibn Abi Zayd, lui-même était l'une des plus grandes autorités parmi les grands savants d'obédience malikite, comme on l'a dit précédemment. Et vous allez constater, dans les assises prochaines, pour ceux qui veulent l'énoncer, Inch'Allah, si on peut, Inch'Allah, on distribuera l'énoncé, Inch'Allah, pour ceux qui assistent et qui le désirent. Vous allez voir, Inch'Allah, donc dans cette épître ou dans cette œuvre, dans ce livre, Ibn Abi Zayd donc va traiter justement de la jurisprudence, il va traiter la jurisprudence malikite et évoquer et mentionner la jurisprudence malikite dans cette œuvre. Sauf que avant de mentionner et de traiter de la jurisprudence malikite dans son œuvre, il va introduire son œuvre. C'est-à-dire, il va rédiger une introduction, un préambule, et cette introduction, ici, sera dédiée, consacrée à la croyance, à l'aqida. C'est pour cela que notre étude, nous, sera l'étude, inshallah, de la muqaddima, sera l'étude de l'introduction. Puisque dans l'introduction, l'auteur va mentionner justement la croyance des gens de la sunna et du consensus. Yani aqidat ahli sunnati wal jama'a. Et ensuite, après l'introduction, là, il va commencer ensuite à traiter de la jurisprudence. Il va mentionner, évoquer de nombreuses masa'il, de nombreuses questions juridiques liées à la jurisprudence malikite. Et il est même dit que, dans son œuvre, il va mentionner plus de 4000 masa'il, question juridique. Dans son œuvre, il y aura au moins 4000 questions juridiques qui seront traitées dans son œuvre, liées à la jurisprudence, liées aux lois, aux jugements, à la jurisprudence. La jurisprudence de la prière, de la zakat, du jeûne, du ramadan, etc. et d'autres chapitres. Et il y a quelques centaines de hadiths aussi qui sont mentionnés dans l'épître. À peu près 400 hadiths mentionnés dans son œuvre. Donc nous, notre tâche, Inch'Allah, ça sera d'essayer de comprendre Al-Muqaddimah. Notre étude sera l'étude de l'introduction. L'introduction de cette œuvre. Et c'est justement ce qu'ont accompli et réalisé de grands savants de la communauté. De nombreux savants ont justement commenté et expliqué la muqaddima, l'introduction de cette œuvre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Vu l'importance du sujet, puisque son introduction va traiter de sera consacré, dédié au domaine de la croyance, de l'aqida et du dogme. Et pour cela, vu l'importance du sujet, alors de nombreux savants l'ont commenté. C'est pour ça que pour ceux qui veulent étudier en profondeur cette introduction, alors ils peuvent revenir à de nombreux commentaires. Comme beaucoup de savants contemporains l'ont fait. Et beaucoup de savants aussi l'ont fait pendant, par exemple, des séminaires. Beaucoup de savants, par exemple, dans des séminaires, ont choisi, pendant ces quelques jours de séminaire, par exemple, d'enseigner cette Risala d'Ibn Abi Zayd, vu l'importance de cette Risala. Vous avez, par exemple, un très beau commentaire, une très belle explication de cette introduction, qui est l'explication du grand savant, qui est surnommé la perle de Médine, l'érudit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah, qu'Allah le préserve. Il a un très beau commentaire et une très belle explication qui a même été traduite en français. Le livre est même traduit, vous pouvez le retrouver, il a été traduit en français. Vous avez même son fils, qui son fils aussi fait partie des savants de Médine et qui est aussi enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a commenté et expliqué cette risala. Et même son fils, Cheikh Abdel Razak al-Abbad, hafidahullah, lui-même exhorte ensuite à talabat al-ilm, ensuite, les frères et les étudiants qui ont assisté à son cours, à l'explication de cette risala, ensuite, il les exhorte et les conseille ensuite que lorsqu'ils reviennent vers leur peuple ou autre, qu'ils leur enseignent cela. Vu l'importance de ce qui est mentionné dans cette introduction. Dans cette introduction, et vous allez voir ici pourquoi aussi le choix de cette œuvre. Donc vous avez aussi d'autres savants qui l'ont commenté. En l'occurrence, on a aussi une explication très bénéfique du grand savant Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc nous pour l'explication et la compréhension et l'étude de la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd, on va s'appuyer sur l'explication de Cheikh Al-Fawzan et on va revenir justement aux commentaires de Cheikh Al-Fawzan vu la simplicité et dont a l'explication de Cheikh Al-Fawzan concernant cette œuvre. Idan Nabda, donc on commence. On commence en lisant l'introduction de Cheikh Al-Fawzan dans l'explication de هذه الرسالة. Avant de commencer, juste pour terminer la présentation, donc sachez que cette risala, dans le madhab malikite, pour les spécialistes de l'école qui sont en créa et qui sont spécialistes dans l'étude du madhab malikite, sachez que cette risala est une référence. Et c'est la troisième grande référence. C'est-à-dire que dans les établissements, dans les centres d'études, dans les écoles, dans les universités, où est enseigné justement le madhab malikite, la jurisprudence malikite, eh bien cette risala est enseignée. Elle fait office de référence. Et lorsque je dis c'est la troisième référence, certains savants disent troisième référence, c'est-à-dire que la première référence et grande référence dans le madhab al-maliki, c'est al-muwatta. Al-muwatta l'imam malik. Cette compilation de hadith du grand imam, l'imam malik lui-même, Ibn Anas, rahimahullah. Ensuite, vous avez la grande al-mudawana. Al-mudawana, la grande al-mudawana de Ibn Sahnoun, qui est célèbre. Qui est célèbre. Après le Muwatta, la grande référence dans l'étude du madhab al-Maliki, c'est l'étude de al-Mudawana. Et la grande al-Mudawana. Pourquoi ? Parce qu'ensuite al-Mudawana a été résumée par de nombreux et grands savants d'obédience malikite. Et ensuite, troisièmement, vient cette risala. La risala de, justement, Abi Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Rahimahullah, rahmatullahi alayh. Du fait que, comme on vous a dit précédemment, que après l'introduction, après la muqaddima, il va justement parler et traiter la science de la jurisprudence. Après, c'est pour ça qu'ensuite, elle fera office de référence pour les savants et les grands étudiants d'obédience malikite, qui se sont spécialisés dans la compréhension du madhab maliki. Taïb. Et donc, aussi, l'importance de l'étude de cette risala, de cette œuvre, les savants ont été attentifs, ont accordé un grand soin à l'enseignement et l'étude de cette œuvre. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons. Mais parmi les raisons qu'il nous faut savoir, c'est que souvent, lorsqu'on parle de la croyance des gens de la sunna du consensus, aqidat al-sunnati wal-jama'a, et on parle de la croyance et du dogme des pieux prédécesseurs, souvent, beaucoup de gens, attribuent cette science-là et ce dogme-là à Sheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Et souvent, donc ils attribuent cela à Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Donc, parfois, c'est à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ensuite, ils disent qu'il a été influencé par, ce qui est vrai, il a été influencé par les écrits et les œuvres et les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Mais beaucoup attribuent ce dogme et cette da'wah, cette prédication, comme si elle a émergé à partir de l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ou sinon, beaucoup aussi disent que cette croyance-là est attribuée au grand imam, l'imam Ahmed Ibn Hanbal. Et ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah aurait suivi Ahmed Ibn Hanbal, wa hakadha. Or, Naram, l'imam Ahmed, imam et Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est l'une des plus grandes références. Il est surnommé l'imam des gens de la Sunna et du consensus. Comme Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est considéré comme l'un des plus grands érudits et imams parmi les gens de la Sunna et du consensus. C'est une référence. C'est un érudit et illustre et grand savant. L'une des plus grandes références dans le domaine. De même, comme Cheikh Mohammed Abdelwahab et d'autres grands savants et imams parmi les gens de la Sunna et parmi ceux qui ont œuvré tout au long de leur vie pour enseigner cette croyance qui est tout simplement la croyance des ancêtres, des pieux prédécesseurs. C'est pour cela ce qu'il faut savoir. L'imam Ahmed ibn Hanbal a défendu avec ferveur cette croyance pour pas qu'elle soit falsifiée, dénaturée. Et surtout lui, il a vécu à une époque où le contexte était difficile et compliqué. C'était un contexte bien précis et particulier. De là, ce grand imam a connu une grande épreuve. Lui et les gens de la sunna de son époque. C'est pour ça qu'on a appelé cela Al-Mihna. Pour ça, on l'appelle Mihna Ahmed ibn Hanbal, l'épreuve de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et du fait qu'il a enduré, patienté face à cette épreuve, et du fait qu'Allah Jalla wa Ala a décrété qu'il sorte victorieux de cette épreuve, et du fait qu'il a connu le succès et le triomphe, Ahmed ibn Hanbal, alors asbaha imami ahli sunnati wal jama'a. Ensuite, il a été surnommé et considéré comme l'imam des gens de la sunna. Sauf que ce qu'a défendu comme croyance l'imam Ahmed ibn Hanbal et ce qu'il a enseigné, cette croyance-là, il l'a hérité de grands imams avant lui. Parmi ses imams, ses enseignants, ses maîtres, ses chouyours, ses mashayikhs, et cela a été hérité parmi les enseignements, des enseignements, par exemple, des gens qui ont vécu fisaman et tabi'in, qui eux-mêmes ont pris la science des compagnons du prophète. Et que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont appris auprès de l'élu, l'homme qui a été choisi pour transmettre la révélation du Seigneur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant l'imam Ahmed, il y avait de grands imams qui justement étaient sur la croyance de la sunna du prophète, de ses compagnons et de leurs successeurs. Et parmi eux, parmi ces grands imams, l'imam Malik. L'imam Malik était un grand imam de la sunna. Taïb. De même l'imam Shafi'i, qui tous deux étaient les mashayikh, par exemple l'imam Shafi'i était le shir de Ahmed ibn Hanbal. Tous deux étaient contemporains. Et ils étaient à la sunna. Sur la sunna. Taïb. C'est pour cela que certains savants exhortent à l'étude de cette œuvre. Pourquoi? Parce que ce qu'on va apprendre dans cette œuvre, parmi les choses qui sont liées à la croyance et au dogme du musulman et de la musulmane, ces enseignements-là qu'on va apprendre proviennent d'une œuvre ancienne. Ce n'est pas une œuvre de savants qui sont venus dans les siècles qui ont succédé. Mais c'est une œuvre qui est ancienne. Avant même l'époque de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui lui-même est mort presque au milieu du 8e siècle. Et donc, ce savant-là, Ibn Abi Zayd, c'est un savant du 4e siècle. Donc cette œuvre qu'on va apprendre, c'est une œuvre qui date du 4e siècle. Donc là, vous allez voir la croyance, justement, qu'enseignaient les grands imams au 4e siècle. Les imams qui ont été à l'abri de toute dérive et de toute mauvaise compréhension de la religion. Et c'est ce qui donne ici l'importance et la préciosité de cette risala, de cette œuvre. Elle est ancienne. Mais malgré l'ancienneté de cette œuvre, comme insiste sur ce point certains savants, regardez, malgré l'ancienneté de cette œuvre, jusqu'à aujourd'hui, est enseignée. Donc si, en étudiant cette œuvre, on va faire, avec c'est une expression à nous, hein, on va faire une sorte de voyage dans le temps. On va voyager au 4e siècle. Si on observe le décalage qu'il y a entre cette époque et notre époque, combien de siècles il y a? Plus d'une dizaine de siècles entre l'auteur de cette risala et nous. Eh bien, après plus de 10 siècles, cette risala ne cesse d'être enseignée. Elle ne cesse d'être étudiée. Et Talabat al-Ilm, ils l'apprennent. Ils l'étudient. Il y a même un... Pour ça, il ne faut pas confondre avec un navm, ce qu'on appelle un navm. Il y a un savant, si je ne me trompe pas, du 12e siècle à peu près, 12e siècle, qui lui a repris Ar-Risala d'Ibn Abi Zayd et en a fait un navm. Et c'est ce qu'on appelait Al-Manzouma, un navm. C'est celle-là qu'on appelle un navm. Risala Ibn Abi Zayd, un grand savant qui est venu, si je ne me trompe pas, après le 12e siècle. Et d'où l'importance ici de cette risala. Et bien regardez, l'auteur de cette risala, aujourd'hui, est dans sa tombe. Et regardez la science bénéfique. Et ça fait des siècles et des siècles, alors qu'il est dans sa tombe, et bien dans tout le monde musulman, dans de nombreuses contrées, de nombreuses cités, et ben, dans de nombreuses mosquées, et ben, cette risala ne cesse d'être étudiée. C'est pour ça que certains savants, ici, ils parlent de al-baraka, la bénédiction, lorsqu'il y a al-baraka min indillah, la baraka d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous, justement, nous pousse à vouloir connaître et apprendre ces rasa'il, ces œuvres-là, et ces écrits-là, et ces livres-là. C'est très important. Donc vous avez vu l'ancienneté, et vous allez voir que, donc, il va ici professer la croyance des gens de la sunna. Cette croyance sur laquelle était l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala, comme on verra dans ce qui va suivre, on va détailler un peu cela. Pourquoi ? Parce que on va parler d'une manière historique aussi. Vous allez voir que plus tard, beaucoup de gens qui s'apparentent au madhab malikite et qui se disent d'obédience malikite, on voit qu'au niveau de la croyance, ils ne suivent pas et ne sont pas sur la croyance de l'imam Malik. Donc, on parlera de cela, de certaines causes, et on verra que lui, justement, l'auteur de cette risala, Ibn Abi Zayd, il s'est distingué par rapport à d'autres savants qui peuvent être d'obédience malikite, spécialistes du madhab malikite, qui eux, plus tard, ont été influencés par la doctrine ash'arite. Et on voit que lui, il fait partie de cette génération de grands savants d'obédience malikite qui n'ont pas été influencés justement par ilm al-kalam, comme on verra, par la science de la rhétorique, de la spéculation, de la philosophie et autres, et de la logique. Il n'a pas été influencé par cela. Et c'est pour cela que l'une des grandes références en matière de biographie, l'imam al-Dhahabi. L'imam al-Dhahabi, dans Siyar A'lam al-Nubala, il a mis et rédigé une biographie concernant Ibn Abi Zayd. Et dans sa biographie, justement, il va dire « Al-Imam Al-Allama », il va vanter les mérites ici du grand savant Ibn Abi Zayd. Et qu'est-ce qu'il va dire ? À un moment donné, il va dire que il était surnommé Al-Malik, ou plutôt, il était surnommé Bi-Malik As-Sarir, le petit Malik. C'est-à-dire, l'imam Malik, et tellement il était connaisseur, spécialiste de ce savoir qu'a laissé l'imam Malik, alors ils l'ont surnommé le petit Malik. Bi-Malik As-Sarir. Malik As-Sarir. Comme le dit l'imam al-Dhahabi. Il va dire « Kana rahimahullah ala tariqati salaf fil usul » Et il était sur la voie des pieux prédécesseurs. « Fil usul » Dans les fondamentaux, si vous voulez. Et regardez ce qu'il va dire « Wala yadri al-kalam » « Wala yata'awwal » Et il ne connaissait pas « al-kalam » La science de la spéculation, de la rhétorique, de la logique, de l'interprétation. Il disait qu'il ne faisait pas d'interprétation. Bien sûr, là, on parle du domaine de l'aqida. « Fil asma wa sifat » Regardez ce que dit l'imam al-Dhahabi. « La yadri al-kalam » Il disait, en ce qui concerne Ibn Abi Zayd, il ne connaissait pas le kalam. C'est comme si, le sens est très fort, c'est comme s'il ne connaissait pas le kalam, il s'est détourné du kalam et a réfuté même cela. Il n'a pas considéré ce savoir-là et cette science-là. « Falam yakun mutakallim » « Fibab »« Al-asma »« Al-sifat »« Rahimahullahu ta'ala » Et c'est ça qu'ensuite que justement, qui est important de savoir, qui est important de savoir, l'imam Ibn Abi Zayd, lui, a été à l'abri et n'a pas été influencé par cette doctrine qui s'est, comme on va en parler ensuite, qui s'est propagée ensuite dans le monde musulman. Dans le monde musulman. De même, par exemple, parmi ceux qui ont été à l'abri, qui étaient d'obédience malikite, l'imam Ibn Abdel Barr, célèbre. L'imam Ibn Abdel Barr, ce grand savant d'Andalousie. Ibn Abdel Barr, par exemple, qui était un spécialiste, un grand savant d'obédience malikite, du madhab malikite, et qui n'a pas été influencé par la science de la rhétorique ou de la spéculation, ilm al-kalam, on va rester sur le terme en arabe, par ilm al-kalam. Taïb. Malgré que vous pouvez trouver des gens qui sont d'obédience malikite, qui étudient le madhab malikite et qui ont été influencés par le madhab malikite et qui sont d'obédience malikite, comme on vient de le dire, et qui prônent la doctrine, par exemple, ash'arite. Certains ont essayé justement de, parmi ces gens-là, qui ont été influencés par la doctrine ash'arite, ont essayé d'expliquer, de commenter la muqaddim à l'introduction d'Ibn Abi Zayd, de la commenter selon la doctrine ash'arite. Mais lorsque on va lire, et lorsque vous prenez connaissance des commentaires, les explications des grands savants, vous allez voir qu'il n'y a aucun doute que dans cette muqaddima, l'auteur professe la croyance des gens de la sunna. طيب قال الشيخ الفوزان حفظه الله إذي هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني عن رسالته التي ألفها في الفقه المالكي وجرت عادة السلف رحمهم الله أنهم إذا ألفوا في الفقه يبدأون ببيان العقيدة ويقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو الفقه العقيدة والفقه في الفروع وهو الفقه في العبادات والمعاملات لأن أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Regardez, Cheikh ici maintenant, à chaque fois qu'on dira le commentateur, vous ferez la distinction lorsqu'on dit l'auteur et lorsqu'on dit le commentateur. Donc l'auteur Ibn Abi Zayd, on sous-entend, et le commentateur, pour ne pas tout le temps répéter, le commentateur c'est Cheikh al-Fawzan Hafidhahullah. Cheikh al-Fawzan commence l'explication de cette muqaddima d'Ibn Abi Zayd en disant, regardez quelque chose de très important. D'abord il dit que l'auteur est un grand imam, érudit, savant, il le nomme, donc il s'appelait Abdallah, comme on a dit précédemment, était le fils d'Abu Zayd, Al-Qayrawani, Rahimahullah. Il dit, cette risala, cette œuvre qu'il va écrire, et on va dire, pour clarifier et expliquer, enseigner le madhab malikite, il dit, il va d'abord commencer par rédiger cette introduction concernant l'aqida, qu'on peut nommer aussi al-fiqh al-akbar. Parce que l'aqida aussi, on avait dit dans des assises précédentes que l'aqida, on peut l'appeler al-fiqh al-akbar, elle a été appelée aqida, aqida al-tawhid, et autres appellations. Et certains savants, lorsqu'ils traitaient de l'aqida, ils parlaient de al-fiqh al-akbar. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il va d'abord parler dans l'introduction de Al-Fiqh Al-Akbar. Ensuite, il va parler ici de Al-Fiqh Fi Al-Furu'. Donc il va parler de Al-Usul, ensuite de Al-Furu', comme l'expriment certains savants. Taïb. Et il dit, regardez, donc l'introduction concernera la croyance, ensuite il va traiter du domaine de la jurisprudence. C'est-à-dire, il va parler de la jurisprudence du culte, des différentes adorations, comme la prière, le jeûne, la zakat et autres. Et il va parler aussi ensuite de al-mu'amalat, parce que lorsqu'on traite de la jurisprudence, il y a le chapitre concernant l'ibadat, les adorations, et le chapitre concernant Al-Muhammalat, tout ce qui est lié au relationnel, en quelque sorte. Et Cheikh Fawzan va nous dire, regardez, il va prendre comme exemple le hadith du prophète Hassan, célèbre, qui nous enseigne que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le hadith d'Abdallah ibn Omar, radiyallahu ta'ala an, où le prophète Hassan nous enseigne que l'islam est fondé sur 5 piliers. Le premier pilier qui est les deux attestations, l'attestation de foi, comme on l'appelle, et ensuite, le deuxième pilier, la prière, ensuite les autres piliers, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Il dit, le premier pilier, c'est la aqida. Shahadatan, les deux attestations, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est quoi? C'est le sens de la ilaha illallah et c'est le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, c'est lié à la croyance. Ensuite, le domaine de la prière, de la zakat, du jeûne, ça, c'est la jurisprudence de ces adorations. Donc, vous avez vu, le fait que l'auteur ait commencé par cette muqaddima qui traite de la croyance, conformément ici au hadith, ici, que les attestations sont liées à la croyance. C'est pour ça que Cheikh dit فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة وهي الإيمان بالأركان الستة. Donc le premier pilier est lié à la croyance qui tourne autour de l'explication des six piliers de l'Iman. Puisque notre croyance, en résumé, quelle est la croyance des gens de la Sunna, des musulmans et des musulmanes, des croyants et des croyantes, c'est quoi notre croyance? C'est l'explication des six piliers de la foi, des six piliers de l'Iman. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres, la croyance aux messagers, la croyance au jour dernier et la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ces six piliers-là, qui sont les piliers de l'Iman, eh bien, la croyance des gens de la Sunna, c'est justement la croyance en ces six piliers. Et c'est l'explication de ces six piliers. Taïb. فكانوا يكتبون في بيان هذا الركن كتب العقائد الصحيحة على منهج السلف. C'est pour cela qu'ensuite, les savants rédigeaient, Cheikh nous dit, des œuvres et des épîtres, justement, consacrées à la croyance qui nous a été, dont on a hérité de nos pieux prédécesseurs. ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة. Ensuite, il faisait suivre cela de l'explication et du détaillé des quatre autres piliers de l'islam. واضح الكلام, vous comprenez? طيب. Comme par exemple il dit as-salat wa zakat wa siyam wal hajj wa ma yutba'u dhalika wa ma yutba'u dhalika min al-mu'amalat wal wasaya wal awqaf wal mawarith wal jinayat wal qada' ila akhiri. Ensuite, ils enseignaient toutes les questions qui étaient relatives au culte, au domaine de l'adoration, comme on a cité précédemment. Ensuite, les questions qui sont liées à ce qu'on appelle al-mu'amalat, comme al-wasaya wal awqaf, comme la science de l'héritage, la science des crimes, la science du jugement, al-jinayat et autres. Tout ça, ça rentre dans Al-Mu'amalat. Taïb. Walakin, ensuite il dit, لَمَّا تَأَخَّرَ الزَّمَانُ فَصَلُوا الْعِلْمَ التَّوْحِيدَ عَلَى حِدَى وَجَعَلُوا قِسْمَ الْعِبَادَةِ وَمَنْ يُتْبِعُهَا عَلَى حِدَى كَمَا هُوَ فِي الْكُتُوبِ الْمَوْجُودَةِ الْآنِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَمِنْ هَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ رِسَالَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَلَّفَهَا فِي فِقْهِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَمَذْهَبِهِ وبدأها بمقدمة في التوحيد على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا وتوضيحا وكذلك حفظا ونظما لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من الأخطاء لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح وشرحت بشروح انحرف بعضها عن معانيها الصحيحة. ويقول الشيخ الفوزان وحوروها إلى المذاهب المتأخرة ولكن شروحها القديمة وما جاء على نظمها من الشروح المتأخرة سليمة والحمد لله. Regardez ce que le Cheikh va nous dire. Cheikh nous dit, donc c'est pour cela, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, Cheikh a d'abord, dans son introduction, traité le domaine de la croyance, ensuite de la jurisprudence. Sauf que Cheikh va nous expliquer ensuite, le commentateur, qu'ensuite, avec le temps, lorsque le temps s'est écoulé, lorsque le temps a passé, avec la succession des siècles, ensuite, les savants de la jurisprudence, les juristes, ont séparé le domaine de la croyance, de la aqida, et le domaine de la jurisprudence. Pour cela qu'ensuite, vous trouvez des livres consacrés, dédiés à l'apprentissage de la jurisprudence. Pour cela, plus tard, viendront des imams spécialistes qui sont d'obédience malikite, qui vont traiter du domaine de la jurisprudence, et ils vont mentionner que, les sujets liés à la jurisprudence. Pour ça, vous allez voir plus tard dans les livres et les épîtres, souvent, ils commencent par exemple, le chapitre des eaux, c'est-à-dire l'eau. C'est-à-dire le chapitre de la purification. Ils vont traiter du domaine de l'eau. Quand est-ce que l'eau est pure et purifiante? Et quand est-ce que l'eau est impure et souillée? On ne peut pas se purifier, faire nos ablutions ou le rousse avec. Ils vont traiter du domaine de l'eau, des ablutions, du lavage rituel et autres. Ils vont commencer directement l'enseignement et l'explication de la jurisprudence, en commençant par la prière, sauf que pour prier, il nous faut la purification, donc ils vont traiter les questions de purification. Ce qui fait la différence avec Risala d'Ibn Abi Zayd, lui ne va pas commencer directement par expliquer la jurisprudence et commencer à entamer les thèmes de la jurisprudence, mais il va ici introduire cette science-là par cette introduction qu'on va apprendre et étudier. Cheikh nous dit, donc cette risale à cette œuvre d'Ibn Abi Zayd s'est distinguée par rapport à d'autres œuvres du fait de son importance et du fait que dans sa introduction, justement dans cette introduction, il a traité le domaine de la croyance, Donc ensuite, les savants vont ici être attentifs et lui accorder un soin particulier. Un soin particulier. Donc elle sera mémorisée, enseignée, expliquée, commentée. Et ce qui fait son importance, Cheikh va nous expliquer, Ulifat ala madhhabi salaf al-salih. Elle est rédigée et elle va expliquer justement ses enseignements de nos pieux prédécesseurs. Donc cette risala se distingue de cette manière comme on l'a cité précédemment. Deuxièmement, il dit, elle a été à l'abri, justement, de certaines erreurs qui se sont propagées ensuite dans le monde musulman concernant le domaine de la croyance, comme on le verra lorsque s'est propagée certaines doctrines, la doctrine liée à l'interprétation, à la spéculation, à l'art de la rhétorique, au fait de revenir à la logique individuelle et autres. Cette risala et l'auteur est à l'abri de ses influences. Ce qui donne l'importance de cela. Il dit, comme on l'a mentionné tout à l'heure, malgré que certains ont essayé de la commenter, ils ont dévié dans le commentaire et l'explication de Risala. Ils ont voulu l'expliquer selon leur doctrine et leur conception à eux. Sans qu'ils soient fidèles. Ils n'ont pas été fidèles, ici, au fait de mettre en lumière ce que justement l'auteur lui-même met en lumière à travers son œuvre et son écrit. Ensuite, Shir dit, وَكَانَ عَهْدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ. C'est clair. Shir ensuite nous dit, sachez que les quatre grands imams, l'époque des grands imams, il y a eu d'autres imams en réalité, mais c'est l'école, la jurisprudence et le savoir de ces grands imams qui ont été beaucoup mis en avant. Pourquoi ? Parce que les élèves et les compagnons, d'abord de ces grands imams et les élèves de ces grands imams, ensuite ont fait un travail immense et énorme pour propager justement le ilm de leur shir. Plus tard, ça deviendra ce qu'on nomme un madhab. Mais sinon, il y a eu des grands imams. Il y a même, vous avez déjà entendu, lorsqu'on parle des grands imams de la jurisprudence, on parle des sept juristes. Al-fuqaha, al-saba'a. Lorsque souvent les savants parlent des sept juristes. Ce sont sept grands imams connus qui sont les élites de la science, de la jurisprudence, des fuqaha de cette communauté. Al-saba'a. Il y a eu des grands imams. Sauf que la science de l'imam Malik, le savoir de l'imam Malik, s'est propagé ensuite dans le monde et on verra certaines causes. Comment le madhab s'est propagé ensuite dans de nombreuses contrées, Chem, en Afrique du Nord et autres. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que les grands imams, comme l'imam Malik ou l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, étaient des imams de la sunna. Et leur croyance était la croyance des pieux prédécesseurs. وكذلك تلاميذهم الذين اخذوا عنهم كانوا على مذهب السلف ايضا. Et il dit de même leurs élèves, les élèves de ces grands imams étaient sur la croyance des pieux prédécesseurs. في الاعتقاد وفي العبادة وفي امور الدين. Que ce soit dans le domaine de la croyance, dans le domaine du culte et des choses liées à la religion. Il a un intahat al-mi'a al-rabi'a min al-hijra. Jusqu'à la fin du 4e siècle. Il dit ensuite, فَحِينَ إِذِنْ دَخَلَ الدَّخِيلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Après cette époque, ces premiers siècles, où les enseignements du prophète, des compagnons, de leurs successeurs se propageaient et la communauté était sur une croyance saine et pure, à l'abri de toute forme de dérive et de doctrine. Alors, ensuite est venue une époque où il dit, alors des choses se sont introduites chez les musulmans. Et ces choses-là qui ont justement toucher le domaine de la croyance et du dogme. حيث جاءت يقول وقت الأذان تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Donc pour terminer, inshallah, regardez, c'est très pertinent comment le commentateur là nous explique pour bien qu'on comprenne le contexte historique et d'une manière historique comment sont apparues différentes et comment ont émergé différentes doctrines qui se sont justement introduites dans le monde musulman et qui ont touché la croyance des musulmans à cette époque. Il dit, regardez, il dit donc, ces siècles-là, où les musulmans ont prospéré, les musulmans étaient sur des enseignements purs, sur les enseignements du messager d'Allah, de ses compagnons, des successeurs. Ensuite est apparue une époque où a émergé certaines doctrines. Comme il dit ensuite, Ja'at, par exemple, la doctrine du soufisme. Ensuite est apparue le soufisme. Ja'at al-Quburiyya. Il y a eu l'époque ensuite apparue le culte des tombes et des morts. Ja'at, il y a eu l'époque ensuite est apparue Ja'at ilm al-Kalam ou al-Mantiq. Ensuite est apparue la doctrine de l'art de la spéculation, de la rhétorique. والمنطق de la logique. فصار الناس إلا قليلا منهم. Et les gens ensuite, à l'époque, les musulmans, ont été influencés et touchés par ces différentes doctrines et influences qui ont émergé dans le monde musulman. Et Shir nous dit, sauf très peu de gens qui n'ont pas été influencés par ces nouveaux courant et ces nouvelles tendances innovatrices qui apparaissaient et qui émergeaient dans le monde musulman. De là, vous allez comprendre pour cela ensuite, les savants ensuite rédigeaient des œuvres pour expliquer justement la croyance des gens de la Sunna pour que cela soit préservé et protégé. Alors beaucoup ont été influencés par cela. Cela a occasionné qu'ils ont ensuite délaissé justement Faqal حتى تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة. Jusqu'à ce qu'ensuite ils ont délaissé le fait de déduire les enseignements directement du livre d'Allah et de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وذهبوا إلى الاستدلال بالعلم الكلام والمنطق والجدل. Et ils ont préféré, au lieu, regardez ce que va nous dire Shir, au lieu de déduire directement, de purger cette science, de prendre ce savoir et cette croyance-là directement des sources légiférées, la révélation, ils sont plutôt, ils ont préféré déduire de ce qu'on appelle l'ilm al-kalam. C'est ce qu'on traduit souvent en français par la science de la spéculation, le fait al-kalam. Fait de philosopher, de spéculer, etc. Donc ils ont eu recours à ce qu'on appelle l'ilm al-kalam. Ils ont approuvé cela, ils ont aimé cela, et donc ensuite, ils ont commencé à déduire à partir de l'ilm al-kalam, ou al-mantiq, ou al-jadal. Ils appellent cela, et ces preuves-là, puisqu'on a dit qu'ils ont déduit à travers les preuves de ilm al-kalam ou al-mantiq, comme ils disent, ou al-jadal, ils ont appelé ces preuves-là les preuves al-adillat al-aqliya ou al-barahin al-aqliya. Pour eux, ces sciences-là de la spéculation, de l'kalam, on va rester sur le terme en arabe de l'kalam, pour eux, ils ont considéré ça comme des preuves liées à la raison. C'est pour cela, pour eux, ils ont nommé ça al-adillatul aqliya ou al-barahin al-aqliya. Tandis que amma al-adillatul kitabi wa sunnati yusammunaha al-adilla as-sam'iyya al-dhanniyya. Fahiya indahum tufid al-dhan. أما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين ولذلك سموها بالبراهين العقلية ويقدمون العقل على النقل ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل فقد يدخلها الشيء من ضعف السند والرواة إلى آخره ويشككون فيها وبنوا عقائدهم على علم الكلام. Vous voyez ce que Cheikh ensuite nous dit ? Il nous dit donc pour eux, les preuves du Coran et de la Sunna, ils ont appelé ça des preuves, si on peut dire, on va dire, des preuves auditives, d'audience, c'est-à-dire qu'on entend, as-sam'iyya, il y a une traduction relative, al-adillat as-sam'iyya, al-dhanniyya, qui sous-entendent ici, Avon, la pensée. C'est-à-dire ce qui est contraire à la al-yaqin, à la certitude, à la supposition. Pour eux donc, ils ont considéré les preuves de la logique et de la rhétorique et de la spéculation du kalam comme étant des preuves qui sous-entendent la certitude. Et qui induisent la certitude. C'est-à-dire que pour eux, à travers l'étude et la déduction de ces preuves, il y a une certitude. Et donc, c'est comme s'ils ont mis les preuves textuelles, ce qu'ils nomment al-adillat as-sam'iyya, al-dhanniyya, c'est comme s'ils les ont mis en second plan. Et de ce fait, ensuite, ils ont commencé à déduire et à prendre leur croyance ici à travers la déduction de ces preuves-là qui sont liées à l'ilm al-kalam et autres. Ils ont dit al-aql la yurti. Ils ont justifié cela en disant la raison ne se trompe pas. La raison ne se trompe pas selon eux. Bikhilaf an-naql. De ce fait, ils ont commencé à émettre des doutes sur la transmission. Donc, de ce fait, ils ont fait prévaloir la raison face à la transmission, à la révélation. Et c'est ça qui est une grande cause de l'émergence de différentes doctrines et différents courants et tendances qui se sont propagés ensuite dans le monde musulman. Ensuite, Cheikh dit « وَدَخَلَ هَذَا عَلَى بَعْدِ أَتْبَعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ » Ensuite, malheureusement, ça s'est introduit chez beaucoup de gens qui s'affiliaient à une école juridique. Parmi les écoles juridiques qu'on a citées précédemment, beaucoup de partisans et qui s'affiliaient, qui suivaient différentes écoles juridiques, que ce soit le madhab shafi'ite ou le madhab malikite ou autre, beaucoup ensuite de partisans de ces écoles, malheureusement, ont été influencés par ces différentes doctrines qui ont émergé dans le monde musulman. فَتَجِدُ الَّذِي يَنْتَسِي بِلَا مَذْهَبِ الشَّافِعِي مَثَلًا. Vous allez voir, par exemple, des gens, justement, qui s'apparentent et s'affilient au madhab de l'imam Shafi'i, ils ne prônent pas la croyance de l'imam Shafi'i. Ils prônent la jurisprudence de l'imam Shafi'i, mais ne prônent pas la croyance de l'imam Shafi'i. Comme on le voit chez beaucoup de gens qui s'affilient et s'apparentent, par exemple, à la croyance de l'imam, à la jurisprudence de l'imam Malik, ils prônent la jurisprudence de l'imam Malik sans prôner la croyance de l'imam Malik. Et on continuera, on prendra la suite demain, inshallah, à la même heure. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.